Attendez, on a une américaine qui vient de rentrer dans le studio. Hi everybody. Wow. Hi. Quel talent. Alors, j'ai des notions d'anglais. Je suis capable d'interagir avec notre superstar anglaise. You can talk with me in English. Après BJ Scott, on a Maeva Scott. Yeah. Absolutely. what do you do? I'm just here for an emission, radio emission, and talk with you and radio show. Radio show. Ah, oh, thank you. I don't have the word in your language. Attendez, j'ai pas le temps de mettre les réponses sur la feuille. Là, j'essaie d'écrire en même temps. J'essaie de vous suivre, mais j'arrive pas. Les réponses. Oui, il faut que je traduise ce que vous dites. Et là, j'ai essayé d'écrire pour traduire. J'arrive please, pas. Please, kicks, try. Speak English. Ouais, with je try, je try, je try. Oui, je try. Who are you? I am Maeva. I am a girl, and I am here for have fun with you. Are you single? Single? Music? Yes. No. Yes, I am. Ah. Do you like the baguette? Oui, baguette. From France? From France, Paris, yeah. Les pains au chocolat, les croissants. Chocolatine. Ça me fait rire comment les Anglais disent croissant. Croissant, oui, baguette. Ils se moquent de notre air. Ouais. Are you Maeva from La Molaire? No, I don't like this. Is it your movie? Excuse me? La Molaire One? No. It's your movie? I'm not an actress. No. I have cru ça, moi. You believe it? Yes, c'était ça le mot. Bon, vous l'avez compris, on est en très grande forme ce soir, ça va être incroyable. Et allez, regardez, je suis Mesmer. Tu reparles français. Hablas español, Leti. Quoi? Hablas español, tu l'as dit. Attendez, je suis Mesmer. Mon Dieu, mon Dieu. On a le droit de faire du Maeva, là. Normalement, bon, elle a l'accent de Presgo, hein, mais ça devrait bien se passer. Je réessaye, attention. Et je parle français. Parlare italiano. Oh putain, elle fait chier l'autre, là. Oh, la reset. Ouais, mais c'est où le bouton? Je ne sais pas. Attendez, on va pas le faire. Alors, je touche, là. Explique Nederlands, maar waar is de beetje? Pardon, mais j'ai basculé. Là, on perd des gens. Mais là, ça veut dire qu'on était censé donner envie aux gens d'écouter et de rester pour ce podcast. Et là, j'ai l'impression qu'on a fait tout l'inverse. Bon, bah, on va faire avec. Ico et Tetnit. Mais t'as fini avec ton langage, là. Banane. Jadoul, je suis revenu. Ça y est, j'en parle français. On va fêter ça. Oui. Je sais pas ce qu'il raconte dans cette musique, mais je sais qu'elle a une banane, la dame. Banane. Et ça, elle en est très très contente. Oh, quel bonheur. Au moins, on démarre dans la bonne humeur cette émission. On l'a fête le 6 mars. Et je. Ja. Ik zeg lekker niets. Kunstgebitte bakkie. Oma op de fiets. Oh, ça me fait du bien. Ah, j'avais pas le choix, je suis désolé. Mais je sais. Merci Kix. Avec plaisir. Allez, on est reconcentré. Voici l'émission qu'on vous a concoctée mercredi. Bonne écoute. Starts now. Faut faire le plein de bonne humeur. Ça tombe bien, vous êtes à l'heure. Dès 20h, c'est direct. On va rire, ce sera marrant. On s'en fiche du reste, on s'en fiche des autres. Les bons délires, ça, on leur fait confiance. Durant 2 heures, sans une prise de tête, c'est bien parti, on délire ensemble. Jadoul. Tous les mercredis. Jadoul. Dans la trappe. Jadoul. Tous les mercredis. Jadoul. Dans la trappe. 3, 2, 1. Tous les mercredis, la trappe avec Jadoul et toute son équipe en podcast. Waouh! Bonsoir, qui a hurlé waouh dans ce studio? Je balance personne, mais je pense que c'est la petite dame qui est à ma gauche. Mais oui, mais quoi, t'avais qu'à pas allumer ton micro si vite. Waouh. Je connais le générique, je chante le générique, j'aime le générique. Donc c'est pour ça que c'est la méga classe jusqu'ici, on a le droit à... Waouh. J'ai imité le... Voilà. C'est génial, en plus ça résonne ici. Vivement les travaux. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien dans votre vie. On est là pour vous changer les idées ce soir. Avec une équipe en très grande forme, avec une Maeva que je n'ai jamais vue dans habillée. Un état déjà, mais dans un état aussi de résiliation. Pourquoi ? Je t'ai vu arriver, t'étais là. Je suis très fatiguée, voilà. Mais en plus, j'ai un peu perdu ma voix, d'ailleurs, vous m'excuserez. J'ai un peu la voix cassée. J'aime bien ce grain de voix, là. C'est vrai ? Tu pourrais faire Mocha. Ah oui, Mocha, Mocha a dérangé. Non, ouais. Toujours pas. Non, c'est notre. Non. On a mis cette séquence au cimetière. ne reviens pas avec ça, les gens vont rien comprendre. On va les larguer, là, c'est plus la peine. On part en landelle, justement. Maëva, en dehors de tout ça. Oui. De ce petit grain de voix. Oui. Elle a mis une belle robe. On n'arrête pas de s'asseoir en dessous, mais. Ah, d'accord. Mais enfin. Eh ben. Je sais pas, c'est une enfant, tu la connais peut-être ? Non, pas du tout. Ah, c'est pas plus mal. Avoir des problèmes. Bonsoir Maëva. Bonsoir Jadoul. À part ça, tout va bien ? Ça va très bien. Et ah, toi ? Ça va, oui, bon, ça va. Oh, cool. Maintenant, je te vois, ça va mieux. Oh, c'est mignon, ça va. Oh, t'as vu, et des fois, je suis gentil comme oui. Garçon. Rarement. Mais on dirait, oui. On dirait pas, mais ouais, des fois, je suis gentil. Kix ? Oui. Ah. Ah, c'est oui. Ton épouse là que je vois là-bas à travers la porte du studio. Sous la jupe de Maëva Non, c'est l'enfant, ça c'est. S'il vous plaît. Ah oui, enfin, c'est vrai en plus, oui. On a commencé depuis 3 minutes et c'est déjà. Bon, on va lui demander. Madame, vous êtes mariée ? Est-ce que vous êtes mariée à Kix ? Mariée ? Nani ? Ok. Ce n'est pas ton épouse, donc bonsoir non. Kix. Bonsoir. Bienvenue. Alors tout à l'heure, je me suis inquiété pour ce garçon, parce qu'il faut savoir que Kix a l'avantage de se mettre toujours dans des situations, mais pas possible. Oh, oui, c'est vrai. Ce qui veut dire qu'il était bloqué aux toilettes. Où ça ? Ben, à la radio. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il est bloqué ? Et je l'attends. Et à un moment, je me dis, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il nous a fait ? Kix nous a encore offert du grand Kix. Aïe, aïe, aïe. C'est-à-dire que là, il s'est mouillé le pantalon en se lavant les mains aux toilettes. Donc imaginez-le en train de frotter son entrejambe sur le sèche-main. Vous voyez le Dyson ? Bah, il était devant en train de faire « Allez, ah !» C'est ça. Attendez, on a mieux. On a le son. Putain, je fais quoi ? Il m'envoie ça et je me dis mais le pauvre. Et là je vois plein de gens importants qui se ramènent vers les toilettes et je me dis c'est pas possible. Non mais quel sketch ce mec. Et oui. Non mais en vrai il faut expliquer en fait le rebord de l'évier était tout trempé et je oui, l'ai pas vu. Non, et moi pas. En me lavant les mains je me suis mis contre le rebord. Tracasse, c'est pas grave. Et là j'ai senti mon pantalon très très froid. Enfin ma peau qui venait très très froide. Et là je me suis reculé et j'ai vu que j'avais vraiment toute l'eau là où il fallait pas. Et je me suis dit, mince, voilà, je ferais con. Avec le sèche-main, t'aurais pu te brûler les parties qu'il fallait pas. Non, hey, j'ai l'habitude. Oh, ça va, il est rodé. Bon, hey. Par contre, ça me rappelle une autre anecdote. Oui. Pizzeria. Ah oui, attends, tu parles laquelle ? Celle où j'ai couru derrière une voiture ? C'est encore une autre, là ? Mais non, c'était pas celle-là que j'avais en tête. C'était... Attends, je l'ai plus en tête. Et le carton à pizza quand t'es sorti. Ah oui, oui, voilà. C'est vrai. Oui, en plus, je te raconte. Bon, raconte vite fait aux gens, mais speed, hein. Oui, je fais vite. En fait, j'avais été une fois dans un restaurant, et en gros, le serveur a voulu me donner ma pizza à emporter et il a tapé dans mon verre et le verre est tombé vraiment au niveau de mes parties de nouveau. Mais des parties, elles attirent tous les liquides ou comment ça se passe ? Bah, il faut croire. Enfin, merci. Ouais, ça dépend phrase. La case. Et on l'isole. Et donc, j'ai pris le carton à pizza et j'ai dû me cacher avec ça parce que j'avais pas de veste, j'avais rien d'autre et j'ai dû sortir dans le centre commercial avec mon carton de pizza à cet endroit-là. Quoi. Pour cacher son entrejambe mouillée. Voilà. Et pas donc qu'on là, pense dis-toi que j'avais pas le droit à ça, mais j'avais le droit à Kix qui avait les mains dans ses poches. Mais comme personne n'a les mains dans ses poches, donc ça veut dire que le mec était vraiment comme j'ai ça. J'ai pincé juste les taches entre mes mains, j'ai essayé de remonter mon pantalon et vraiment de cacher là où c'était trempé. Comme quoi, si jamais vous vous dites que vous avez une vie compliquée, qu'il se passe des choses graves ou pas, eh ben Kix je suis là. Fait pire. C'est Jadoul en podcast. Bienvenue. Ah non, ça c'était tout à l'heure. Voilà, j'ai plus d'histoire. Hein. S'il te plaît, je pense que les gens vont nous écrire pour arrêter les histoires. Il y a très longtemps dans cette émission, Kix avait une séquence rien qu'à lui. Ouais. C'était les aventures de Kix. Et en fait, ça faisait tellement de peine qu'à la fin, on a arrêté cette séquence parce qu'il lui arrivait toujours un truc. Il tombait entre le quai et le train. Bah, l'histoire de ma valise, là j'ai d'une dame et ma valise tombe entre le train. Et rien qu'à de repenser à ces séquences, non. On va pas, non, on va pas. Allez, on va plutôt se concentrer sur notre pour toi de la semaine. Oui. Le pour toi de la semaine, mardi, vers 16h30, il y a eu une panne. Ah oui. Mais mondiale. Pour les sites de Facebook, Instagram, Threads. Pardon ? Threads. Vas-y. Et ils ont été coupés. Alors, le premier réflexe pour avoir un peu de recul, c'est quoi ? D'aller sur les. C'est-à-dire, tout couper. éteindre ton téléphone? Ou tu veux dire voir sur un autre réseau par exemple? Bah ça bug, tu fais quoi? Le bon sens voudrait que... Tu désinstalles, tu remets, oui, ou alors ça, tu vas voir sur d'autres sites, voilà. Sur d'autres bazars. Voilà, bah lui il a tout compris. Moi j'ai pas fait ça. Alors moi j'ai pas fait ce que tout le monde a fait, c'est-à-dire aller sur X Twitter, ouais, pour se rendre compte et prendre la température du problème. Alors on est tombé sur des posts incroyables sur Twitter. Par exemple ici Krisa qui a posté: les boomers qui voient session expirée ont réinitialisé leur mot de passe en boucle, et là ils mettent un mème de quelqu'un qui est en train pousser non-stop sur la touche. Puis t'as un autre tweet de Aude Javel qui publie ce que les serveurs Twitter se disent depuis que tout le monde se ramène ici. Et on s'accroche. Pas faux. Et si on continue, il y a aussi même le logiciel dinosaure Internet Explorer, vous vous souvenez de lui? Oui, ouais, ouais. Le vieux navigateur là. Bah, il a un compte Twitter. Et sur son compte Twitter, il a publié en taguant Facebook et Insta. Alors, ça fait quoi d'être aussi lent? Oh, sérieux, c'est le truc officiel qui a fait ça? Non, c'est un compte parodique. Oh, c'est nul. Ce que Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, va faire au responsable de l'erreur. Baisse ta tête. Et en plus, il est en déplacement. Il m'a dit, oui, parce qu'on a essayé de le contacter quand ça fonctionnait plus. Ah, on a le porte-parole, ouais. Pas mal. Alors là, on pensait, enfin on attendait, avec du pop-corn devant RTL, que cette info passe aux 19h. Ouais. Mais rien. Au final, RTL n'a pas du tout parlé de ce truc qui est tellement RTL. Alors bon, c'est la RTBF qui a ouvert son 19h30 avec cette info. Votre 19h30, François de Brigode. Bonsoir à tous. Une panne mondiale pour ouvrir ce journal. Les réseaux sociaux du groupe Meta, Facebook, Instagram, Messenger ont été touchés dès 16h30 par une série de pannes au niveau mondial. C'est quoi Facebook, Instagram? Je connais pas, moi. Moi j'avoue que je suis tombé dans le panneau. Avant de me renseigner, j'ai réinitialisé 6 fois mon compte sans succès. Même mes aventures pour Isabelle, à qui la page Facebook promettait aussi de lui envoyer un code. Je n'ai rien reçu. Bien sûr, ils proposent d'attendre 2 minutes 30, mais pour info, moi j'ai déjà essayé plusieurs fois cet après-midi et je n'ai jamais reçu de SMS avec un code. Oh, c'est dommage. Bon, alors il faut un spécialiste qui va nous raconter des détails croustillants, très technologiques, un mec calé, un gars très pointu. Chaque minute perdue, même chaque seconde perdue, est un ensemble de dollars perdus. Il faut le voir comme ça. Hein. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et puis, moment important, aux États-Unis, c'est le Super Tuesday. Ouais, on s'en fout, on repasse au truc sérieux, là c'est plus possible. Hein. Vous avez compris, ça a même détrôné les élections américaines, ce truc. Tous les mercredis, c'est avec Jadoul. En podcast. Bienvenue, merci de nous avoir choisis. On rit, il y a une de ces ambiances aujourd'hui. On est très contents d'ailleurs, celle qui nous fait rigoler. La molaire. Arrête de m'appeler comme ça, s'il te plaît. Tu vas la mettre de mauvaise humeur. Hein. Elle est déjà de mauvaise humeur. Maëva, c'est le fallait nous dire plutôt qui arrive juste après. Ça va parler de quoi? Exactement, je vais parler de montres. Oh bah ah. C'est super. J'ai une question pour vous. Dans les publicités, dans les vitrines, quand les montres sont en vente, il y a toujours une seule heure qui est affichée. Laquelle? Et pourquoi? Oh, ah, je le savais. Je l'ai su. Toi, t'as la réponse, Kiki? Oui. Ah putain. Du coup, je la donnerai pas. Non, je vais laisser. Bah, elle la donne pas. Laisse les auditeurs réfléchir, voilà. Mais répondre. On va écouter un titre. Derrière ça, tu vas nous le dire et on va ouvrir la séquence comme ça. Yes. Moi, je savais l'explication, mais ça fait partie de ces trucs que je suis ultra content de savoir. Bah, le concept de ta séquence. Exact. Et d'ailleurs, je suis trop content. Et après ça, je l'oublie. Et d'ailleurs, vu que j'ai du mal à lire les montres, ouais, actuellement ma montre est mise comme dans les rayons. Il a pas vu. C'est caché. T'es vraiment pas le crayon le plus taillé du pot. Est-ce que j'ai une question? Est-ce que remonte ta montre? Non. Ah si, t'es mon ami depuis des années. Fais-le. Non, allez. Bon, c'est qui le patron? Remonte ta montre. Ne le dis pas. Mais je peux pas donner de toute façon l'heure parce que c'est la Est-ce réponse. Est-ce que c'est parce que c'est... Vas-y, on s'en fout, on fait ta séquence maintenant. Est-ce que c'est parce que c'est en forme de Y? Non. Pas du tout. Mais déjà, on peut dire la réponse du coup, Kix. Mais non, attends, je suis près de la réponse là. Est-ce que c'est parce que historiquement, une énorme horloge très connue, genre Big Ben, s'est arrêtée à cette heure-là parce qu'il n'y avait plus de piles dans le bâtiment? Alors, il y a deux raisons. Il y a des raisons historiques, mais est-ce que c'est vrai? Et donc, du style, oui, ça s'est arrêté sur cette heure-là. c'est pas Big Ben. Et il y a une raison design, on va dire. Est-ce que genre, par exemple, Salvatore Dali, là, quand il a peint les montres qui fondent. je ne sais pas du tout, j'ai pas cette info. La pendule, je sais plus comment. Pendule qui pend là, c'est ça. Le temps suspendu. Oui. Oh putain, la culture. Tu sais qu'on a fait de l'histoire de l'art, qui que sont censés savoir ça. On a fait de l'histoire de l'art. Bon, la réponse Maëva maintenant. Attends, je regarde le truc. Le... Attends, je découvre ma séquence alors. Attends. Mais non, parce que je regardais le tableau de Dali et donc je clique sur une petite image me disant c'est là. Et je me dis, oui, le titre c'est. Et c'est pas celle-là. Et celle que j'allais lire, c'est Le Grand Masturbateur. Qu'est-ce qu'elle dit, la dame? Mais quoi? Ça n'a aucun sens. Mais ça n'a ni queue ni tête. Bon, on se reconcentre. On se reconcentre. S'il vous plaît. Oui. On veut la réponse. Pourquoi est-ce que les aiguilles sont en Y comme ça? Sont en Y, donc l'heure c'est 10h10. Ouais. L'heure que les montres sont toujours mises donc dans les vitrines en vente. Oh, aussi pardon. Sur les sites, etc. Les photos des montres, c'est toujours sur 10h10. Alors, il y a déjà, je t'avais dit, il y a une raison design. En gros, ça permet de faire une symétrie, en fait. Et c'est très joli. Et aussi d'encadrer le logo. Mais de bon, manière... Kix, pourquoi tu fais des moustaches depuis tout à l'heure? Alors, parce que moi, j'ai une autre info, peut-être que tu vas la raconter. Oui, vas-y. Mais dis-nous. C'est parce que ça fait aussi un sourire. Pas du tout. Ah bah, c'est une info qui a été donnée, ça fait aussi un sourire. Mais, le mec. Mais qui a été donnée par qui? Par, par son meilleur ami. Non, mais... non, donc c'est une question c'est esthétique de mettre quelque chose de design comme ça qui encadre le logo. Ah pardon, oui. On a... Ah bah c'est bon, les micros. Tu veux savoir ce qui s'est passé? Non, dis-moi. Eh bien, en prenant ma feuille, j'ai baissé le curseur des micros. C'est vraiment très professionnel. Si vous nous rejoignez pour la toute première fois, cette émission, d'habitude, est mieux torchée que ça. Ouais, c'est ça. Mais déjà, tu veux, bref. Mais dis-nous. Les raisons, donc, design et les raisons historiques, c'est qu'il paraît que quand la création de l'heure universelle a été faite en 1884... Le timestamp. Oui, en 1884, à Washington, où il y a 25 pays qui se sont mis ensemble pour se mettre OK sur les 4 fuseaux horaires, il était 10h10. Oh. Une autre légende raconte que le jour où Louis XVI a été décapité, c'était à 10h10. Voilà. Et encore une autre, c'est pour quand tu passais ton permis, tu mettais ta main à 10h10. C'était à 10h10. Est-ce qu'on peut contre-vérifier ce qu'a préparé Maëva pour être sûr qu'il n'existe pas encore une autre explication? Mais la vraie explication, je pense que c'est celle du design. C'est vrai, c'est beau, ça entoure le logo, c'est symétrique. Donc forcément, c'est plus vendeur. Les raisons historiques, je pense qu'il peut y en avoir plein. En vrai, celle que tu... Ah, non, t'as pas donné une raison historique, toi. Non. Un sourire. Les aiguilles font un sourire. Je vous jure que j'ai lu ça aussi. Mais il y a peut-être d'autres trucs. On peut dire que cet événement a eu lieu à 10h10. Donc c'est pour ça que... Mais ça, comment veux-tu le vérifier? On va pas remonter dans le temps. Le jour où on s'est fait décapiter Louis XVI. Bah, c'est joyeux. Et bah, voilà, une émission de bonne humeur qu'on vous a prévue ce soir. Avec plaisir. Tous les mercredis, c'est avec un bon morceau de gâteau. Et c'est avec Jadoul. En podcast. Et bien voilà, merci Simone. Attendez, il faut quand même qu'on fasse une étape importante dans notre métier de la radio. Il y a certaines radios qui vivent grâce aux subsides publics, ça s'appelle des radios de service national. Mm-hmm. Il y a des radios locales, associatives, dont nous faisons partie. Ouais. Et il y a également juste la radio commerciale. Alors, on va tenter de faire un peu de commercial avec une petite page de pub. Oui, hein. Oui. Si ça peut financer, je sais pas, des nouveaux Fritella pour le studio. Parce que ceux-là, ils sont tout collants, ils fondus. Ouais. Je confirme. On leur fait plaisir. On leur met un minimum de trucs à grignoter. Vraiment, genre, vraiment. Minimum. Alors, on te donne de l'eau, tu vas pas te plaindre non plus. Non, mais voilà, wow. On essaie d'être accueillant, tu vois. On met des bonbons, des fois, on met des autres trucs, des Ferrero Rocher. Et c'est comme ça qu'on est remercié. Non, j'ai compris. Pas grave. On va essayer de ramener un petit peu d'argent parce que peut-être que comme ça, on aura, je sais pas, l'occasion de vous mettre un poulet rôti ou mieux. Ah, bah, là, c'est déjà mieux. Ah, bah oui, voilà. D'accord. C'est ça, là, tu sais nous parler. Je vous vois avec vos doigts gras en train de. Merci. T'en veux? Quel carnage. Bon, avant que ça n'arrive, on va diffuser une petite publicité. La page réclame qui va suivre vous est offerte par Radio Falminioul. La perte d'un proche est toujours un moment pénible où l'on est confronté à de nombreux problèmes. Vous n'avez pas de compost chez vous? Le choix d'une société de pompes funèbres doit être judicieux afin de vous accompagner rapidement et dignement dans la prise en charge du décès de toutes les formalités administratives. Les pompes funèbres Hendrick, disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mettent leur professionnalisme au service des familles endeuillées pour leur fournir leur compost collectif. Organisation complète de funérailles, funérarium avec parking aisé, incinération, inhumation, exhumation, la permaculture, le compostage, la production de graines, la conservation des légumes anciens d'au moins 60 ans. Tant de découvertes à réaliser au fil des saisons. Le funérarium devient aussi un lieu de rencontre entre voisins, entre citoyens. De par sa fonction, il amène des personnes qui ne se seraient peut-être jamais rencontrées à faire connaissance et à maintenir le lien entre tous. Funérailles Hendrick, le compost produit sera redistribué aux participants qui en font la demande. Pour les joindre, un seul numéro d'appel, 069 77 23 24 19 80. Ils ne savent pas articuler, ils n'ont pas un physique facile et ils ne comprennent pas grand-chose. Oui, ils ont toutes les qualités pour être partout en podcast. C'est Jadoul et son équipe. Tous les mercredis. Merci de nous avoir choisis avec vous. Jadoul, pour vous servir, et toute l'équipe est là. Maëva. Oui. Hicks. Oui. Et notre phénomène, Dominique Vegas, spécialiste en horoscope, qui est pour une fois déjà attablé avec nous et qui nous a rejoint. Bonsoir Dominique. Bonjour. Ah, attendez, on a un petit problème de son. C'est un petit problème technique sur le micro. Reparlez un peu, Dominique. Non, excuse-moi. Dominique, je pense que vous êtes assis sur le micro. Ah oui. Oups, désolé. Ah oui, en effet. Oh, ce n'était pas si mal, hein. Je dois avouer que ça ne m'a pas déplu, cette nouvelle assise, mon Jadoul, même si j'ai connu mieux. Ne me regardez pas comme ça, ça me met mal à l'aise. Bon, allez, on change un peu de l'horoscope. Vous êtes à mon goût. Oui, très bien. On change de notre horoscope habituel en allant au plus proche de nos auditeurs. Enfin, je ne sais pas si c'est une bonne idée avec lui. On a une auditrice en ligne pour consulter Dominique. Ah bah, c'est super. Allô ? Il y a quelqu'un ? Allô ? Est-ce qu'on a quelqu'un en ligne, s'il vous plaît ? Oh, je me suis brûlé. Oh, mon thé est trop chaud. J'avais pourtant demandé de tempérer, hein. Ils ne comprennent pas ici, hein. Ah, monsieur est c'est précieux. Pas possible. Ouais, bien sûr. Quel est votre prénom ? C'est Diarra. Ah. Bonsoir, Catherine, je suis... Diarra, D-I-A. Oh, pas possible, ça. Oh, j'ai raccroché, je ne comprenais pas son prénom. Bah non, enfin... Oh, sinon, non, moi, je ne peux pas. Quand je ne comprends pas, je ne peux pas. Ok, d'accord. Allez, suivant, s'il vous plaît, suivant. Allez, ok, bon, bah, on accueille Flora. Bonjour, Dominique. Bonsoir Flora, je suis la star des astres et le désastre des voyants. Est-ce que vous pouvez nous donner votre date de naissance, s'il vous plaît ? J'ai 28 ans, je suis née le 30 août 1984. Mm-hmm. 84 donc. 1984, vous êtes bien sûr ? Calculette s'il vous plaît. Jadoul, sors-moi la calculette, s'il te plaît. Oui, s'il vous plaît, voilà. Merci. Les calculs ne sont pas bons ici. Ah non, du tout. Vous avez 39 ans. Ça commence à chiffrer, ma belle. Oui, passons, on s'en fout. Quelle est votre question, s'il vous plaît, Flora ? Alors, j'ai commencé à passer mon permis de conduire l'année dernière. Au bout de 9 heures de conduite, j'ai arrêté parce que ça s'est mal passé. Et là, je me suis réinscrite en auto-école et j'aimerais savoir si j'aurai mon permis de conduire bientôt, s'il vous plaît. Très bonne question, Flora. Dominique ? Oula. Pas bon ça, pas bon du tout. C'est vraiment pas terrible. Aïe. Mais enfin bon, ça va aller. Courage quand même. Je vous souhaite énormément de courage. Oh là là, ça semble très grave. Ça sent pas bon pour Flora. Est-ce qu'elle a l'obtention de son permis de conduire ? Non. Enfin oui, elle l'aura, Flora. Oh, bonsoir Laura. Où en était-ce ? Ah oui, elle l'aura, Laura, Flora. Oh, attendez, parce que moi, vous êtes en train de me perturber. Bien sûr que Fourla l'aura ce permis de conduire. Oui, mais... Oh, merci, Seigneur, j'y arrive pas. Ah bah si, pourtant, c'est vrai. Là, il vient de vous annoncer que vous allez avoir votre permis. Bravo, Flora. Je suis vraiment désolé, hein, mais je vais aller me chercher une camomille. J'étais en train d'écrire justement à la production parce que moi, j'avais demandé à avoir uniquement des garçons. D'accord, j'ai passé l'éponge pour la diarrhée là qu'on a eue tout à l'heure. Diarra. Oui, c'est ça. Mais j'ai vraiment fait l'effort, hein, d'aider notre copine au téléphone. Vous lui avez pas dit grand chose. Enfin, vous avez... Non, mais enfin bon, voilà, ça c'est ce qui arrive. Dites-lui au revoir, on parle de ça après. Dites-lui au revoir d'abord. D'accord. Bah, bravo, hein. Bonne route, Laura, je vous donne le permis moi-même. Comme ça, vous avez également la permission de quitter cet appel. Et puis, bonne soirée également à Laura qui était avec nous tantôt. Oh, merci, j'arrive pas. Ah, bah voilà. Mais bon, merci, Laura. Hein. Au revoir, Dominique. Je aussi, suis content que ça vous fasse plaisir. Au revoir, soleil. Bonjour, la lune. En tout cas, ça... Ouf. Écoutez ma belle voix, suave et envoûtante. Profitez-en, parce que Jadoul est de retour. Et croyez-moi, lui, c'est tout l'inverse. Waouh. Jadoul et son équipe, tous les mercredis. Ça installe une certaine ambiance, ce jingle, je dois le dire. Ah oui, la température monte. On ne voit plus les gens de cette équipe de la même manière, tout le monde se regarde et là on se dit... Énorme. Il y a des opportunités. Bref, laissons ça de côté. Dans un instant, on aura l'occasion, si on a le temps, de faire un top 5. Un sympathique top 5, vous voulez savoir sur quoi il sera? Oui. Oui. Plus long. Ah oui, on fait... Oui. Mais sur quoi sera ce top 5? Il J'ai envie de savoir. Sur les trucs que la génération Z a décidé d'arrêter de faire. D'accord. La génération Z a cassé des trucs. Ouais. Et on a fait un top 5. Donc okay. La génération de pas après nous. De 1996 à 2010. Ah, je suis la génération Z. Ah ouais, on est tous des Z ici. Hein. Ah non, 96. Oui, si, c'est ouf. Non, je sais pas. Oui, mais pas 1800, Maëva. 1900. Super, nickel. Bon, ça arrive dans un instant. Avant ça, s'il vous plaît, laissez-moi accueillir un moment béni dans notre émission. Le moment de l'interview combinée. Combinée. Le concept est tout à fait simple. On prend une interview du média Combini. Le moins drôle d'entre nous se prend un coup de combiné. Tout à fait. Il faut reprendre les réponses de l'intervenant du jour et essayer d'être drôle sur base de ça. Oui. Okay, on va essayer. On va essayer. Oui. Vous pouvez jouer dans la voiture. Ça se trouve, vous serez sans doute plus drôle que l'équipe. Ça, on ne sait pas. Difficile. Non, c'est pas vrai. On est en forme cette semaine. Tout le monde a préparé? Oui. Ah oui. Pour une fois qu'on peut le dire, en plus. Sans mentir. Et ce qui me fait vraiment peur, c'est que vous transpirez l'honnêteté. Ah, ça va alors. Et vous m'avez l'air très sincère, donc allez, je vous accorde ma confiance. Bon, notre invité de cette semaine, c'est... Pardon? Bimcom. Quoi? Articule. Pour ceux qui ne reconnaissent pas, hein, c'est Rimka. Rimka, oui. D'accord, vous voyez. Hein. Un professionnel de la musique. Tout à fait. Vous savez ce qu'il a fait comme musique, il a fait ça. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. J'aime bien ça, l'ancienne, comme il faut. Ouais. Ça c'est sympa. Ouais, non, mais ça c'est. C'est cool de découvrir de nouvelles choses. Mais ça vieillit bien. Bon, il y a des nouvelles aussi. J'ai passé la nuit menotté sur le banc. Sur les lacets de mer, Max, il reste un peu de sang. Elle apparaît puis disparaît sous mon volant. Il me reste encore un peu de rouge à lèvres sur le gland. Ah, d'accord, ok. Voilà. On est peut-être loin du côté raffiné, la délicatesse de Régine. D'ailleurs, Rimka, tu connais Régine? N'y touche pas, ni demain, ni jamais. C'est ce qu'on me mettait pour que je m'endorme. Ah, bah ça va. Ok, d'accord. Et t'as un souvenir à nous partager? Par exemple, là, qu'est-ce que c'est que ce livre? C'est un album de famille. Oh bah c'est sympa ça, et dedans donc... Tu vois, c'est le kebab où on a donc grandi. Ça c'est l'épicerie qui était, tu vois, c'est Aziz. Il était ouvert jusqu'à 2h du matin. Ça c'est la petite sœur de Papou. C'est le petit frère d'Apé, c'est mon neveu. Ça c'est moi, c'est ma circoncision. Ah, okay, ouais, on a toutes les infos. On peut avoir l'album ou... Non, non, on va juste commencer la séquence. Hein. Non, on commence la séquence, Rimka. Hein? Ouais, vas-y, ok. Laisse tomber. Je vous propose qu'on fasse le tour de table dans le sens suivant, Maëva, Kix... On démarre, Maëva? Ok, mais quand j'arrive à ne boire qu'un seul verre en soirée? C'est une fierté. Ouais. Ah ouais, à ce point? Tu sais que là, ça fait 2 semaines que tu te fais passer pour une grosse ivrogne, hein? C'est vrai, je confirme. Bah, quand tu vas en soirée, c'est dur de devoir t'arrêter alors que tous tes potes continuent à picoler. Avec et donc, modération. Avoir la force de dire, bah, ce soir, moi, non, c'est vraiment une fierté et c'est rare. T'as l'effet de groupe qui joue beaucoup sur toi? Oui, de ouf. Ah, hier, j'ai fait une soirée, j'étais torché. Ah bon? Ah ouais. Ah bon? Mais t'es pas la même personne quand t'es avec nous, hein. Non, non, je filtre, hein, écoute, on est des amis de radio. Radio. Voilà, c'est Allez. Ça. Une grosse distance. Hein. Allez, tiens. Non, c'était juste pour l'ami de radio, pas pour ta réponse. Kix. Pour une fois qu'on est premier quelque part avec Charleroi, élu première ville la plus moche du monde. C'est une fierté. Que Kix réussisse à dire cette phrase sans bafouiller. C'est une fierté. Ouais, c'est parce que j'ai rajouté un début de phrase et voilà. Wow. Deuxième question, Maëva. Faire tout en dernière minute. Pardon ? Faire tout en dernière minute. C'est toute ma vie en vrai. Ça, honnête. On l'a remarqué, hein. Mais c'est quand même fait, et bien Quoique, fait. Quoique, ces deux dernières semaines, je trouve que tu t'améliores. Ah bon ? Merci. Non, merci. Kix ? S'habiller en fonction de la météo, et une fois dehors, la météo a changé. C'est toute ma vie en vrai. Ouais. C'est la Belgique, c'est pas toute ta vie, c'est la Belgique. Oui, c'est vrai aussi. Il est passé sous les radars, ce que tu combines. Dernière question, Maëva. Les photos de pieds. Ça se vend très cher. Il paraît. Ah, il paraît. Mais Kix. Les casseroles de Gérard Depardieu. Ça se vend très cher. C'est nul. Mais non, c'est pas nul. J'ai rien compris. Non. Elle était vraiment pas top, celle-là. Mais je ne l'ai pas compris. Quoi, les casseroles de Gérard Depardieu? Mais il peut y avoir deux versions, en fait, ces casseroles, donc toutes les histoires Pourquoi qui traînent. Des... Et puis ces casseroles à lui, parce qu'il mange ça beaucoup. Se vend. Voilà. Oh, je pisse. Il va y avoir 200. Il est fou. Boubou. Gérard. Ouais, bon, c'est pas le moment de rigoler avec lui, mais. Ouais. Bon. Kix, c'était quand même pour toi celui-là. Pas terrible. Mais on peut demander à Kix si ça se vend bien les photos de pieds. Oui, c'est ce que j'allais. C'est exactement. Eh ben écoute, très très bien. Eh ben félicitations. Merci. Quoi, t'achètes ou tu vends? Non, il vend. Oh, ben je vends et puis je t'achète un casque. Ah bah écoute, franchement je veux bien. J'ai un casque pour la radio, je m'achète mes casques pour la radio avec ça. Ah d'accord, c'est ça qui finance ta passion. Je finance ma passion. Bah, d'accord. Okay. Si t'as des acheteurs à me donner. Voilà, bah, dis donc, ajoutez-moi, c'est kix.pied. Je serais ravi de découvrir tout ça. Merci beaucoup, hein, tout le monde. Avec plaisir. Le personnel médical qui encadre les gens de cette émission vous informe que l'état des patients n'a pas évolué. Hey, les médecins démissionnent. Non, non. Les fous sont libérés 2 heures en podcast. Ce n'est pas acceptable. Jadoul et son équipe. Les gens se jettent dessus. Tous les mercredis. Ah ça, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas fait un bon plaisir, c'est un bon top 5. Top 5 des trucs que la génération Z ont complètement arrêté de faire. Alors je vous resitue, hein, ceux qui sont de la génération Z, c'est ceux qui sont nés entre 1996 et 2010. Yes. Ok, donc toute l'équipe ici, ouais. En fait, voilà. Ce juste avant, c'est quoi? C'est la Y? C'est pas dit, on aurait dû se renseigner. X, Y, Z, ben oui. Moi, je sais pas. Bah, oui, on sait pas, je crois que ça fonctionne comme ça. Bah, le nouvel an chinois, c'est pas le prédit, hein. Ah si. Bon, on laisse tomber. La génération Z, bon, ils n'ont rien de particulier, hein. Vous savez, chaque génération est différente de celle qui la précède. Mais si on grossit un tout petit peu le trait, la génération Z, ils ont envoyé chier pas mal de concepts auxquels les vieux étaient un peu plus attachés. Si on prend par exemple en numéro 5, se marier. Ouais. Le mariage. Bah... En fait, la génération Z, selon le sondage, hein, déteste le mariage en tant qu'institution. C'est-à-dire qu'ils ont capté que le mariage coûtait beaucoup trop cher. Non. Et à quoi bon si cette économie peut éviter le jeu du porte-jartel sur la piste de danse et un DJ ringard qui fait moins bien qu'une sono Spotify. C'est une très bonne chose de ne pas se marier. Je confirme. Vrai. Bon, ok. Maëva, t'es pas d'accord? Non. Pourquoi tu s'arrêtes? Non, je suis team mariage. Non, je pense pas que ce soit dû au coût de la fête et tout. Je pense qu'on s'est juste pas resté en couple de manière durable. Nos parents à notre âge étaient déjà mariés et on était déjà en route, limite. Et nous, là, on fait de la radio. J'ai pas tout compris de non, ce mais, débat. Mais non, mais non. Bon. Mais je pense pas que ce soit dû au coût de la soirée, c'est tout ce que je dis. Non, mais c'est aussi juste le fait, l'institution. À quoi ça sert? Pourquoi? Par hasard, tu reviens déjà d'une soirée, là, t'as déjà bu plus d'un verre ou... Il veut sa voix éraillée, oui. Je pense qu'elle a quelques verres dans le gosier. Mais enfin! C'est toi qui te fais passer pour une ivrogne. En numéro 4, faire des heures sup et passer sa vie au taf juste pour se faire bien voir. Non. Elle est d'accord avec rien. Maëva, écoute bien ça. La génération Z se dit que ça ne servait à rien de faire plaisir à son boss et à bosser davantage. La nouvelle norme est de ne pas en faire plus que ce qui est inscrit dans le contrat. Respecter scrupuleusement les horaires, c'est fini. Répondre aux emails en dehors des heures de travail, basta. Dépanner un collègue, terminé. Il y a même un nom pour ce concept, c'est le quiet quitting, ou démission silencieuse en français, c'est très bien aussi. Donc c'est voilà, il paraît que c'est très courant. Et c'est TikTok okay. qui a influencé le monde entier pour que ça se passe, ça. Ben c'est faux. T'es juste les plus fainéants d'entre nous. J'isole cette pige et je te remets ça dans les dents quand tu n'auras pas fait ton taf. Okay. Votez Maëva. Mais alors, ça compte quand on est payé, ce genre d'information. Ah oui, excuse-nous, le volet, ça compte pas. Le volet, ça compte pas. D'accord. Attention, numéro 3. Faire des gosses. Oui, là oui. Ah, enfin, elle est d'accord avec nous. Depuis des siècles, on nous incite à faire des gosses parce que c'est ce qu'il faut faire et parce que ça ferait plaisir à papa et à maman. Mais surtout parce que ça fait vivre l'économie, hein, c'est ça la vraie raison. La génération Z a décidé d'arrêter de donner naissance à des pauvres enfants qui ont juste comme avenir une société qui s'effondre avec un climat dramatique. En plus, les bébés, c'est cher, c'est bruyant, ça pue. La preuve, le post-pandémie, vous savez, ce moment après le confinement, après le Covid, ouais. on s'attendait à un baby-boom. Eh ben, pas du tout. Y a pas eu, ça n'a pas eu lieu, il n'y a pas eu de bébé non, en c'est plus. Vrai. Non, il n'y a pas eu de bébé Covid. Enfin, si, il y en a eu, mais normal, oui. quoi. Pas plus, pas au-delà de la moyenne. Bon, numéro 2, Maëva. Oui. Se forcer à s'épiler. Ça, c'est un concept que la génération Z a décidé d'envoyer chier. Étant donné que se faire pousser sous les aisselles ou le pubis des poils, bah, s'ils n'ont pas envie de les raser, ils ne vont pas le faire. Juste parce qu'ils ne vont pas se plier aux dictats de la société. Ouais. Autant faire des dreadlocks sous les bras. Ouais, c'est ça, non. voilà, direct. C'est pas les dictats, c'est juste que je trouve ça pas esthétique et pas beau et pas agréable. Bah oui. Alors ta moustache. Mais celle-là, ah pardon, non, ok, d'accord. Ah, c'est un effet de style, ok. On connaît pas la mode, excuse-nous. En numéro 1, repasser ses fringues. Et Antoine Nibot aurait dû être là parce qu'il nous a expliqué oui. comment il faisait. Des nouvelles habitudes, en fait, il y a des nouvelles matières aussi infroissables. Mais voilà, c'est fini en fait. Le bonheur est dans le pli. En gros, voilà. Ils vont juste pendre correctement les vêtements au moment de les faire sécher, comme ça, plus besoin de repasser les draps et machin et tout. Terminé. Ouais, il paraît. Ouais. Moi, j'ai pas ces vêtements qui se froissent pas. Moi, systématiquement, même un truc repassé, c'est froissé. Non, mais c'est vrai, il y a des gens qui ont la technique. J'ai un petit conseil pour toi, ils vendent des sprays défroissants. Ah ouais? Ouais. Tu pipites sur ce truc et puis tu. Mais ça fonctionne vraiment, ça? C'est la connerie, non? Ah, si, non, ça marche. Ah ouais. C'est tout à midonner, donc ça veut dire que t'es comme ça. Non, non, non. T'as enlevé de la fontaine. J'adore le concept. Bon, sinon, en bonus, hein, vite fait, les autres concepts de la génération Z, c'est porter des fringues trop serrées. Non, terminé. Boire comme des trous, fini. Croire en Dieu, terminé. Envisager une carrière, terminé. Faire croire au Père Noël à ses enfants, terminé. L'école. Bon, non, ça n'est pas dit dans le sondage. Ah bah, non, pas normal. Je l'ai pas eu. Bébé, s'il te plaît, c'est l'heure du FaceTime. Vous allez jouer en trois manches. Kix va vous faire deviner des stars avec l'aide de trois indices sonores pour chacune de ses personnalités. Dans ceux-ci, ça peut être un bruitage, un extrait d'interview, ça peut paraître bizarre. Une musique, en clair ou en distordu. Soyez vigilants. Durant une même manche, ces trois sons peuvent former un rébus ou alors être tout à fait explicites. Réfléchissez à voix haute. Mais si vous pensez avoir la réponse, appuyez sur votre buzzer. Bonne partie. Et que le meilleur gagne. C'est l'heure du FaceTime, à table FaceTime. Allez, bloqué. Non, je m'en fous, moi je buzz. Ok, Jadoul veut gagner absolument ouais, aujourd'hui. C'est-à-dire que Maëva, là, tu dois. Ah ouais, ça. Tu dois te booster, là, il est remonté, le petit Jadoul. Hein. Allez, vas-y, de toutes tes forces, pousse sur le buzzer. Ok. Allez, on va quand même faire une compétition. Après, on va te d'honneur. Après avoir entendu ce magnifique jingle, j'ai pas fait de bonne honneur, j'ai frotté mon œil. Ah oui, oui. Et pas de bagarre durant ce jeu, s'il vous plaît. On respecte les lois. Si, nous, on est là pour en découdre. Non, non, il faut pas. C'est amical. Mais il triche de toute façon. Ça se bon, de l'amitié. Vous êtes prêts à deviner la première personnalité avec ce premier indice? Mm-hmm. Mm-hmm. Je vous vois faire des bêtises derrière votre micro là. Hein. Attention. Hein. Bon. On se challenge. Ouais. Premier indice. Vous avez toujours l'air étonné que les épouses soient godées de leur mari. Il serait temps d'évoluer un peu. C'est notre place. Alors, qui aurait pu dire ça? Je sais pas. Waouh. Je vous laisse chercher un petit peu, puis je lancerai le deuxième indice. Deuxième indice? Deuxième indice. Ok, alors deuxième indice. Récemment, on a dit que vous étiez un homme sur les réseaux sociaux. D'abord, ça vous a blessé, ça? Ah, Jadoul, au début. Putain, Jadoul qui a déjà cassé son buzzer. Tu vois, voilà, c'est parce que t'as joué tantôt comme un fou. Voilà. Maintenant, tu l'as cassé et tu t'es fait mal au dos en plus. Oui, je me suis vraiment fait très mal. Je pense que j'ai donné un coup de poing dans l'écran tactile. Pas permis de faire ça. Non, c'est pas permis, non. Non, ça fait très mal à la phalange. La réponse. Bah, j'ai oublié le son du coup à faire. Arrête. Non, si, attends. Remets juste un tout petit bout. Non, j'ai perdu le fil. Je m'en fous. T'as perdu le fil et ton doigt en plus. Pour la mettre. On fait comment? Troisième indice? Non, mais lui, il a perdu. S'il répond pas maintenant. Quatre. 3. Non, je me souviens plus du son. 2. C'est bon. 1. Disqualifié. Mais quoi encore? Bon bah, Maëva. Ouais. Troisième indice. Moi, ce qui m'importe le plus, mais oui, au-delà de tout, de mon engagement, c'est mon couple. Donc je ne laisserai personne m'embêter Maëva. Dessus. Mon couple, ma famille, c'est la chose à laquelle Brigitte? Je tiens le plus. Macron? Brigitte Macron, c'est une bonne réponse. Bien joué. Ça fait un point pour Maëva. Merci. On se croirait dans un bingo. Bravo, Madame Huberti. Oui, vous avez 2 points. Ah, ça vous le. Et vous voyez que... le filet garni là. Il sera peut-être pour vous. J'avais oublié qu'il n'y avait pas de petits sons après les premières. Non, c'est à chaque manche on doit faire. Allez. Ça pourrait être bien. Bon, digeste, hein. Deuxième personnalité à deviner. Et voici le premier indice. C'est l'une des plus grandes voix de la chanson française. Avec son dernier album, Corsu Mezu Mezu Volume 2, déjà vendu à plus de 100 000 exemplaires. Alors Corsu Mezu Mezu. On ne se moque pas. En plus, si tu sais d'où ça vient, je pense qu'on rigolerait moins. Ah. On va récupérer tous ces sons. On dirait un plat bizarre. Tu sais, quand t'es au restaurant et tu connais pas, c'est. Tu te moquais surtout du journaliste qui n'arrivait pas à le prononcer. Je prendrai un Corsu Mezu Mezu. Le menu 12, oui. Bon, deuxième indice. Patrick, il paraît que vous répondez... Patrick Bruel. Ah, c'est pas Patrick Bruel, mais c'est bien tenté. Et donc, parce qu'il est un petit peu... il a des origines... peut-être qu'il aurait pu chanter le Corsu Mezu Mezu. Bah, c'est ça, mais peut-être qu'il y a... j'en dirai pas, je peux pas en dire plus. Non, mais okay, vous êtes allez. Sérieux, Bruel. Bruel, vous connaissez. Il a bien fait Habibi Ali, Habibi Ali. C'est la voix. Oui, mais il non, mais c'est pas du tout ça. J'ai des gars pour elle. Mais il a fait Habibi Ali et Corsu Mezu peut-être. Bon, bref. Deuxième indice. Patrick. Ah mince, non, on a déjà eu. Troisième indice, pardon. Première tournée en Corse. Quand même, il faut que vous nous racontiez ce jour. Vous êtes retrouvé à chanter sur une estrade près d'un cimetière. Ah oui, non, pas près, sur le cimetière. Ah, sur le cimetière. Ah oui. Juste avec une poursuite sur la gueule. Oui. Avec une scène construite sur un cimetière où on respecte les croix. C'est-à-dire les signes, on les respecte. Donc ils ont fait des trous dans le bois pour laisser sortir les croix. Ouais. Et donc j'avais des croix sur scène avec moi. C'est-à-dire que j'avais le dessus des tombes. Et je chantais. Et les gens, ils étaient au taquet. Putain, c'est quoi sa chanson? Il le chante mal en plus dans l'interview. Je suis totalement perdue. Ah ouais, moi aussi, vas-y. Après, il reste le bonus. Non, de toute façon, elle est la buzzée, donc elle c'est est vrai, Jadoul n'a pas buzzé. Depuis quand on joue avec le bonus? Bah, je suis le patron. Mais non. Bonus. Oui, je l'ai pas du tout, Maëva. Moi je l'ai pas donc j'ai perdu. Donc. De toute façon ça comptera Patrick pas. Patrick Fiori. Ah ouais, c'était bien Patrick Fiori. Ça va Patrick Bruel, Patrick Fiori. Bon, pour l'instant c'est toujours Maëva qui a 1 point. Oui. Ouais. Donc attention, tout va se jouer maintenant ou pas. On a déjà ou pas. On a fait 2 manches. Hein? On a fait que 2 manches. Là on a fait que 2 manches. J'ai l'impression qu'on est là depuis un mois. Ah non, du tout. Voici la troisième manche avec le premier indice. Ah ça réveille. Hein. Ah oui je l'ai. Tu l'as? Voilà, c'est bien, t'as la musique, c'est très bien. Mais Eva, t'as la réponse? Le mec est. Personne là, deuxième indice? Ok, alors vas-y. Deuxième indice. Merci. Bah, j'ai appuyé. Pardon, c'est moi. On m'a coupé. J'ai oublié de couper la tranche. Ah. Maëva. Eminem. Et c'est une bonne réponse, victoire de Maëva. Bien joué. Bravo Maëva, tu remportes donc ce jeu. Yes. Et on garde Eminem pour la musique de la victoire. Tu préfères pas celle-là? Non, je te jure que non. Non, ça va. Promis juré, non. Tu sais que j'ai l'impression que c'est. Tu sais, c'est Bennett là. Oui, c'est ça. La version techno. Bon, merci de nous avoir choisi. Bravo, Maëva, pour ta victoire. Merci. Tous les mercredis, c'est la trappe. Bienvenue dans cette émission qui est faite littéralement comme de l'artisanat. Ça veut dire qu'on façonne, vous savez, c'est un petit peu comme... Des petits créateurs indépendants. Hein. Oui. Ces trucs moches qu'on voit dans les marchés sur des tréteaux. Les cookies, tu sais, qui vendent sur les marchés de Noël, que tu sens bien que c'est pas un magasin qui fait ça, c'est ta tante qui fait oui, ça. Oui, là, vous avez fait des petites pierres sous forme de collier. Dominique Vega, c'est vous? Ah non, ça ressemble, mais c'est pas lui. Je dessine des mignons sur des boussons. Oh. Et vous pouvez les mettre en décoration sur l'arbre. Ah ça, vous comprenez pas, non, mais ça c'est une création qui me vient comme ça. En fait, ça c'est ma grand-tante qui m'avait apporté, en fait, non, je prends du Posca, je fais des tableaux, je fais des dessins, ça c'est toi en fait. Ah, tu ne t'es pas reconnu? Oui, c'était toi, tout à fait. C'est comme ça, non? D'accord. Mais j'ai l'impression que c'est ça. Ça va aller, sur les marchés de Noël. Sur les marchés de Noël. Sur les marchés de Noël, un peu partout. Étrange. Ouais, voilà. Là, je t'ai offert un dessin. Oui, oui, ça va. Quoi, bon, du coup, on a retrouvé. Ça va aller, Jadoul, ça va aller. Tout et va je bien. Fais ça aussi pour des cartes. Non, oui, oui, ça va. Excusez-nous. Tiens, il y a ton médicament qui est là. C'est pas possible. Il me tourne en ridicule parce qu'en fait, je mets en valeur quelqu'un qui connaisse. Non. Et voilà, juste ça. Très privé de joke. Dans un instant, toutes vos séquences préférées reviennent et on aura les enveloppes, les infos qu'il fallait louper ces derniers jours. Elles seront là. On a 14 minutes de retard dans la conduite. C'est parfait. Comme d'habitude. On va pas finir cette émission à l'heure. Vous pouvez compter sur nous pour ça. C'est Jadoul. En podcast. On a des discussions lunaires dans ce studio. Franchement, s'il y avait des gens extérieurs ici, ils se demanderaient mais pourquoi ? Qui sont ces gens ? Comment ils se parlent entre eux ? C'est ça. Quel est l'objectif, la finalité derrière tout ça ? Elle est simple. Vous offrir maintenant les infloppes. La numéro 1 de toutes les infos qu'on a recueillies ces 7 derniers jours, c'est celle-ci, un Belge de 51 ans qui a été condamné à 2 ans de prison par le tribunal en Espagne pour fraude. Pendant 7 ans, il a tranquillement récolté la pension de sa maman, décédée, à l'aide d'un faux certificat de vie. Alors, l'air de rien, hein, ça peut paraître rigolo comme ça, mais ouais. En fait, le montant s'élève à 90 908 euros. Ah, une belle somme qu'il a extorquée, hein, on peut le dire, c'est une pension volée. Ouais. Voilà. Bon, le prévenu s'est engagé à rembourser à l'État belge la totalité des 90 908 euros, en plus des, évidemment, 1080 euros d'amende. Wow. Ah bah on peut dire que ça lui a coûté... Des bonnes grosses burnes. Et c'était pas un son, elle l'a fait en live. Hein. Ouais. Eh oui, monsieur. La vie ne fait pas de cadeaux. En numéro 2 de ces infos, en Bretagne, un restaurateur franco-marocain propose à ses clients de leur offrir le petit déjeuner gratuitement. À quelles conditions ? S'ils réussissent à résoudre une énigme, une équation mathématique de niveau bac. Ah, c'est, okay. C'est pas n'importe quoi quand même. Hein. Ah, attention. Ouais, bon, en gros, si t'es en Bretagne et que tu ne déjeunes pas le matin, ça veut pas dire que tu n'as pas faim. C'est juste que les gens vont se dire. La vie comme. Ah, c'est ce soir, hein. Oh mais non mais. C'est quoi? Mais vous faites n'importe quoi. Bah fais-le. Fais-la 3. Ok, pas de soucis. Tu seras appuyé sur un bon bouton? Non, je suis pas sûr de faire ça, mais je vais me concentrer. Ouais. Attends, t'as le texte parce que moi il me le faut si je dois enchaîner. Ouais, moi au pire. Texte, pas de souci. Tu vois, il écrit en arabe, en chinois, en mandarin. Toutes les langues, mais pas la bonne. Peux y aller? Vas-y. Je vous montre. Donc, vas-y, montre-nous comment on anime cette émission. C'est parti. Un homme a expliqué dans son podcast qu'il a utilisé ChatGPT pour obtenir 100 repas gratuits chez McDonald's. Il volait les reçus en fait des caisses ou des tables et il utilisait les codes uniques, tu sais, pour remplir une enquête de satisfaction sur le site McDonald's. Ensuite, il allait sur ChatGPT et il faisait générer des fausses plaintes, genre « Oh, c'était trop froid et tout ». Et donc, il recevait en échange des repas gratuits. D'accord, wow. Voilà, wow. Dans le restaurant. Mais monsieur, oui, monsieur, excusez-moi, je crois que McDonald's a un message pour vous. Va chez ta mère. La prochaine fois, je prendrai l'écran moi-même. Il y a un décalage horaire, il faut excuser l'écran. Il y a un décalage horaire. Mais j'ai l'impression que c'est une malédiction qu'il y a autour de cette séquence, c'est-à-dire que quand on pousse sur l'écran, en dehors du contexte, là par exemple, je veux lancer un son à la con, aucun problème, c'est ultra instantané. Tu vas faire un texte avec une vanne. C'est parti maintenant. C'est vrai. J'avoue que ça c'est vrai. Vous avez vu que c'était pas de ma faute à l'époque quand je faisais cette séquence. Oh oui. Mais vous êtes fou. Là il n'y a pas eu d'attente. C'est fou. Voilà, c'est incroyable. Bon, on vous en fait une bonus alors. Hein. Ah, allez, un petit bonus vu qu'on s'est bien foiré sur les autres. Un avion Airbus de la compagnie Sri Lankan Airlines a été immobilisé au sol durant 3 jours. La raison, un rat s'est introduit dans l'appareil. Alors bon, finalement, le rongeur a été retrouvé sans que quelques éventuels dégâts ne soient trouvés. Ah, il n'a rien fait. C'est la bonne nouvelle. Vous vous rendez compte? Un avion entier, pour lui tout seul, pendant 3 jours, royal. Franchement, durant 3 jours, pour le rat, c'était un peu... La vie comme une fête foraine. Il faut 4 infos pour que ça se fasse bien. Tous les mercredis, c'est avec un bon morceau de gâteau. Et c'est avec Jadoul. En podcast. Et bien voilà, merci Simone. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Ah. C'est que cette semaine, Familou est en congé. Arrête. Si, c'est vrai. Ah bon? Ah oui, je sais pas. Ça va faire du bien pour nos oreilles. Non mais c'est des vacances, l'air de rien. On a quand même le mérite, et ça il faut qu'on en parle 2 minutes. Hein. Mm-hmm. On a quand même le mérite de vous proposer une émission inédite. Ouais. Aujourd'hui, hein, voilà, elle a été faite spécialement pour aujourd'hui. En plus, je peux vous dire l'heure, 21h28, on est en direct. Donc, vous inquiétez pas, nous on est là, on lâche pas le bateau même en vacances. Ah oui. Ah là, il peut couler. Même si on rame, même si on a un jet privé, nous on fait tout là, on comment y ça va. Non mais je vais mélanger, c'est qu'on ait rien, qu'on ait tout, on continue quand ah même. Ah oui, quoi. Parce que le jet privé, moi je l'ai pas vu. Moi. Tu l'as pas vu? Ah non. Mais il est sur le toit de la production, c'est pour ça. D'accord, ouais, j'avais pas... Non, celui-là je l'avais pas vu. Ok, merci en tout cas Kix. Avec plaisir. Et peut-être qu'un jour le jet privé sera réalité. C'est bah ce que j'espère. J'espère. Nous on a pu payer une piscine gonflable pour Maëva. Bon, j'ai pas vu la piscine gonflable. Bah c'est normal, elle est miniature. Tu l'as balayée d'un revers de la main. Maëva. Oui. Dans un instant, OK Boomer. Yes. Ça consiste en quoi? En gros, je vous donne un peu les infos qu'on fait le buzz cette semaine. Mais je vous les fais deviner pour que vous travaillez un petit peu. Et pour qu'on soit concentré. Concentré. Génial. Ouais. C'est, j'ai de plus de mal à vous stimuler. Donc j'essaye de trouver des... Voilà. L'état des patients s'aggrave. Il y a des petits troubles de l'attention. Hein, il faut les stimuler. Wow. Franchement, les gens qui nous écoutent pour la toute première fois, ils sont en train de se dire... Oui, nous sommes les champions de la fréquence. On nous connaît, nous sommes tous amis. Incroyable. C'est notre premier jour de radio. Bon, j'ai quand même une bonne nouvelle. Même si Radio Falminou est en vacances, ils nous ont laissé une petite archive. Ah. Le jour où la fréquence a été piratée. Aïe. On écoute maintenant. Au cœur d'un paisible petit village de Wallonie, chaque jour, René l'animateur et Guy de la Sono œuvrent à transmettre de la joie sur les ondes locales de Radio Falminioul. Des moments de vie exceptionnels que l'on vous offre. Découvrez le jour où la fréquence a été piratée. Bonjour chers auditeurs de la 97.8, bonjour également aux auditeurs connectés en DAB+. Je sais pas ce que c'est. Parrain et marraine de cette émission cette semaine, Papy Paul de Profondeville. Oh, j'en tiens mon casque. Ça me casse les oreilles. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est encore cette histoire? Je dirais que nous avons été piratés. T'es sûr de ça? J'en ai bien l'impression. T'entends? Bah oui, j'entends qu'il est bête celui-là. Merci, c'est bien que vous me piratez. Je suis pas encore redevenu sourd. Ouais, ça va, hein, ça va. T'étais calme. Ne nous emportons pas et tentons de régler le problème. Guy, regarde un peu sous la table si c'est pas un problème dans les câbles. D'accord. Alors, Guy? Ah non, mais c'est pas moi, j'ai rien touché. C'est quoi le petit boîtier que t'as ramené en studio? C'est ta boîte de pilules? Ça? Non, c'est un gadget que j'ai confisqué à mon petit-fils. Ah oui? Ah ben, t'en sors un peu du studio avec. C'est bon? Oui. Et reviens maintenant. Ça m'a tout l'air d'être ça. Et tu n'as pas l'impression que ça ressemble à un petit brouilleur de signal, ton bazar? Ah oui, maintenant que tu le dis, c'est vrai que ça y ressemble. Bon, écoute, garde-le. On va s'en servir pour démolir la concurrence. Mais qui? On pourrait pirater les grosses têtes de Philippe Bouvard. Merveilleux idée, ça, mon Guy. Bon, vas-y, je te laisse gérer et dis-moi quand c'est prêt. Voilà, c'est bon. Je l'active. Écoutons RTL pour voir si ça a bien fonctionné. Les grosses têtes de Philippe Bouvard arrivent d'ici quelques instants, malgré les perturbations techniques que nous subissons actuellement, suite à un brouillage émis depuis la radio Falmiloul. Le temps d'écouter un titre, nous allons court-circuiter leur émetteur. T'as entendu ça? On riposte? Je crois qu'ils ont déclaré la guerre. Soldat Guy! Oui! Balance l'émetteur au maximum sur RTL! J'active mon brouilleur à fond! Ici RTL, nous vous offrirons tout le programme. Prends-toi ça! Radio Falmiloul! Radio Luxembourg! Sinon, j'entends! Falmiloul! Je crois que la partie est finie. Oh non! C'est perdu, Guy. On va refaire un émetteur avec un cintre en métal. Vous pouvez constater que la FM a encore du punch. À bientôt pour de nouvelles aventures chez Radio Falmiloul. Casting pour remplacer Jadoul. Allez-y. Jadoul vous dit bonsoir. Le son ne va pas assez fort. Oh, c'est pas terrible. Suivant. Faire du Jadoul, c'est comme faire un bon gâteau. Non, ça ne le fera pas non plus. Désolé. Suivant. Tous les mercredis, Jadoul et sa belle fanfare pour le plaisir des oreilles. Bon, ben, tant pis, on va devoir garder l'original. Jadoul et son équipe. En podcast, tous les mercredis. Oui, c'est à moi, parce que le casting, il a duré 1000 ans, là. Moi, je me suis dit, j'en reviendrai jamais. Non, c'est terminé. Eh ben, si, on est là. Ah, si, on est toujours là, les originaux, les vrais. D'ailleurs, en parlant de vrais, vous allez pouvoir devenir un vrai. Un vrai? Un vrai gars informé, une vraie meuf qui est au courant de tout, en fait, tout court. De tout, tout court. De tout, tout court. Parce que maintenant, la chronique de Maëva. C'était l'autre bouton. Le hockey boomer de Maëva. T'as le look coco. Moi, je le trouvais pas mal aussi. Hein. C'était ça où je pouvais te mettre aussi. Mais le hockey boomer, mais c'est oui, quand même j'aime mieux. Bien le qu'est-ce qui s'est passé? On veut tout savoir. Alors, est-ce que vous avez entendu parler du buzz de Aya Nakamura? Non. Enfin, je pense elle pas. Elle s'est pas pointée en tenue latex à une soirée. Ah non, ça c'était Dua Lipa. Non, c'est vrai, au Brit Awards. Non. Donc, il y a un buzz avec Aya Nakamura qui dit que. Attends. Un bad buzz ou un buzz? Un buzz. Ok. Qui dit qu'elle va faire la chanson des JO, d'ouverture, de 2024. Pardon. Okay. Mais qu'est-ce qu'elle va chanter? Je sais pas. Si moi, t'es pas au courant de l'information, ça arrive. Hein. Donc, on passe quand même de Aya Nakamura. Elle va chanter Pookie. Bla bla bla Pookie. Ferme la porte à la Pookie dans le side. C'est pas ça? Tu twerk, Maëva? Non, elle va plutôt chanter ça. Attends, vas-y, pause, coupe-le. Redonne-moi le là, juste les deux premières secondes. Okay. Ça va être très simple, je le vois. Mets-moi la musique de Pookie. Bla bla bla bla Pookie. Viens Milord, y'a le Pookie dans le sas. Viens Milord. Milord, y'a les JO à Paris. Paris. Les JO à Paris. Ça va être horrible. Mais non, mais du coup voilà, c'est ce qui est partout sur les réseaux depuis quelques jours. C'est la presse en fait qui a annoncé ça, donc à chanterait du Edith Piaf pour l'ouverture des JO de Paris. Oh. Et ça a bien évidemment suscité la polémique, forcément. Alors on rappelle tout de même qu'il y a rien qui est confirmé officiellement. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a une conversation en fait entre elle et Macron à l'Élysée. Edith Piaf. Non. Où Aya Nakamura a mentionné Piaf comme une influence pour elle. Et donc certains médias internautes se sont enflammés en disant voilà, si elle fait ça, ça va pas être possible. Mais voilà, il y a rien encore de dit. Mais il y a quand même un journaliste musical, Olivier Cachin, qui soutient Aya Nakamura en disant que en gros, elle est l'équivalent à cette époque de ce que Piaf était à la sienne. Je vous laisse réfléchir à ça. Non mais sympa. Sérieusement, elle est internationale. Tu vois ce que je veux dire? C'est une artiste française qui est très connue en France et qui est connue à l'international. Voilà. Après, c'est comme si je te disais, Jungeli a marqué son époque. Non, on arrête. Non. Voilà, je relate les faits, hein, Jadoul. Bah, c'est simple, là, en ce moment, on est en call avec Edith Piaf et elle se dit... Mon Dieu. Deuxième info, le salon de l'agriculture 2024 s'est amélioré par rapport à l'année dernière. Mais dans quel domaine? Est-ce qu'il y avait encore la vache, Rihanna? Il y avait une vache, quoi? Ah si, vous connaissez pas? Non. J'ai pas vu ça. Il y a un agriculteur qui a appelé sa vache Rihanna, je crois qu'elle fait, je sais plus combien de kilos. Non, c'est pas ça. Oh, c'est sympa, pas cette horrible. Mais elle est belle, elle est blanche et noire, tachetée, comme ça c'est... Tachetée. Je sais pas si Rihanna apprécie le geste. Et pas, il y a aussi eu un concert ou quoi? Non, c'est rien à voir. C'est une amélioration dans le sens de... Politique? Non, dans l'organisation, on va dire. Ah, il y avait moins de... Moins d'alcool de... Ah, c'est vrai? Exactement. Non. Alors, attends, ça arrive jamais. Accrochez-vous. Il n'y a eu aucun coma éthylique enregistré en 2024 contre 82 l'année dernière. Alors, wow. Donc ça a eu ces deux dernières semaines, hein, le salon de l'agriculture à Paris, et il y avait les nouvelles directives suite aux abus de l'année dernière. Oui, mais non, mais suite aux abus de l'année dernière. Je rappelle... Moi, j'ai pas été ressourcé dans les problèmes qu'ils ont donnés, mais je vais vous dire que j'ai croisé Riri la vache. Non mais faut dire quand même, t'imagines 82 comas éthyliques l'année dernière, il paraît qu'il y avait des bagarres, des vomissements en plein dans le salon. Et donc cette année, ils ont dit qu'il n'y aurait plus d'abus, avec en gros des désoiffeurs, qu'ils appellent ça, qui quadrillaient les allées et qui redoublaient de vigilance. Ah, mais c'est dur à dire, dit vigilance. Des désoiffeurs. Vigilance. Wow. Merde, dit vigilance. Vigilance. Des désoiffeurs. Je savais pas que ça existait. Et dès qu'il voyait un visiteur un petit peu trop popélope, il allait le calmer, il lui disait écoute, tu ne peux plus consommer de l'alcool sur le salon. Oui, d'ailleurs, on a comment ça s'est passé sur le salon. Donc, ça veut dire qu'imaginez, vous êtes en plein cœur du salon, là, là, là, vous vous baladez, d'un coup vous entendez. Allez, non, non, tu te tais, tu ne peux pas boire. Tu serais un chouette quadrilleur, Jadoul. Quadrilleur. Des soifeurs. Wow, quadrilleur. Troisième info, qu'est-ce que Drake a offert à un fan lors de son dernier concert? Je dirais. Qui a pas servi à la foire agricole. Non. Drake, qu'est-ce qu'il pourrait offrir? Un vêtement? Non, c'est de l'argent. Une dent en or. C'est énormément d'argent. Exactement 160 000 $ à un fan qui, lors de son concert, a fait la technique de la pancarte, disant qu'en fait il avait énormément de dettes suite au décès de sa mère. Donc il a écrit sur une pancarte: ma mère est morte, j'ai des dettes. Et... Exactement. Mais et Drake a accepté, a arrêté le concert. Il lui a dit: écoute, c'est quoi ta pancarte? Enfin, explique-moi, c'est quoi ce truc? Et il lui a expliqué: voilà, ma mère vient de décéder, mais suite aux frais de la maison, enfin, tu connais comment c'est en Amérique, c'est vraiment le bazar. Ouais. Suite aux frais de succession, etc., les trucs de sa maladie, j'ai des dettes énormément, c'est 160 000 $. Wow. Et Drake lui a dit: nickel, passe à la fin du concert, je te ferai un chèque. Mais alors moi je trouvais ça ouf, mais pas si étonnant. Parce que vous vous rappelez du clip de God's Plan. En gros, pendant 6 minutes du clip, il distribue des liasses, des chèques, des cadeaux, en gros. Et il y a même un petit message, hein, qui est écrit en anglais au début, qui dit que le budget de la vidéo est de 996 636 euros, enfin dollars, et qu'il ne faut pas lire au label. Et donc il passe tout le clip à il va dans des magasins, dans des quartiers défavorisés, il fait l'appel micro en disant tout ce que vous faites, enfin tout ce que vous achetez, c'est moi qui le paye, etc. Attends, je résume parce que j'avais pas compris, je pensais avoir décodé. En gros, il tourne dans un magasin, il profite du tournage pour faire du bien autour de lui. Non, oui, d'accord. En fait, le tournage du clip, les 6 minutes du clip, il ne fait que donner des cadeaux. Donc tu le vois dans des écoles où il offre des chèques géants de 20 000 euros. Tu le vois dans un magasin où il fait un appel micro en disant tous les achats que vous faites sont offerts. Enfin, c'est moi qui les paye à la caisse. Ok. Il offre une voiture, il offre des liasses à des gens. Non, je te jure. Et donc ça, moi, ça m'étonne pas parce que c'est quelque chose qui est généreux, quoi. Il est très généreux et voilà. Bah, tu prends une Taylor Swift qui sait plus quoi faire de son argent ou un Ed Sheeran qui fait construire des caveaux, des châteaux. Enfin, il fait une église dans son jardin, le gars. Après, je dis pas. Ed Sheeran est un des mecs les plus généreux. Pourquoi il t'a offert un... une guitare. Il a doublé mon salaire. Yes. Wow. C'est pas lui qui fait ça normalement. On va laisser la concurrence tranquille. Oui. Ouais. Merci Maëva. Avec plaisir. On sera moins bête demain quand on prendra un café avec nos collègues et on pourra dire ah oui, bah moi j'ai connu Drake qui offrait des vaches Rihanna. Enfin, on aura tout mélangé. Et Sheeran. Mais on sera contente. Si son poing a cassé l'écran tactile du studio, ce n'est pas un excès de colère. C'est la faute de Tix. C'est con ! C'est le lancement du son ! Ah, d'accord, c'est ça que tu veux. Mais non, il fallait faire un geste. Partout en podcast. C'est Jadoul. Tous les mercredis. Je suis heureux. Mais alors très, très, très heureux. Je suis joie. Je suis joie. Je ne suis que musette. Après une absence remarquée, oui, accordéon. Qui dit accordéon dit... Jean-Michel. Jean-Michel, après presque 2 mois d'absence. Monique. Et Monique, sa femme. Sa femme. Tout un univers qu'on va retrouver. Qu'est-ce qu'il est devenu? C'est quoi? J'avais aucune nouvelle. Impossible. Et je sais pas, il avait lâché tout le matos un jour. Avant, tu te souviens, on se connectait avec lui à distance. Ouais, ouais. Il avait son petit kit, je sais pas où il était d'ailleurs. Ouais. Et il était dans son bistrot, il faisait son live. Enfin voilà, tout va bien. Et un jour, il s'est plus jamais connecté. Ouais. Donc on n'a plus de nouvelles. Donc on a fait 100, là on a comblé, on a fait des nouvelles choses, mais là, on a regardé la télé et on est tombé sur un reportage. Ah bon ? Eh ouais, attention, accroche-toi, reportage qui lui est dédié. Alors en ces derniers jours, ils sont quelques-uns à être venus lui dire un dernier au revoir, lui confier une dernière confidence peut-être. Oui, ce que vous ne savez pas, c'est que le reportage était sur son départ du village. D'accord. Donc il quitte le village dans lequel il nous a trompés, hein, ouais, entre guillemets, et là, interview. Oui, merci d'être venu. Alors, le mois sans alcool m'a fait bien réfléchir sur mes ambitions futures. Alors, je ne vous quitte pas définitivement. Ah, non, non, non, pas du tout. Je ne fais qu'aller rejoindre les camarades de la radio physiquement. Car le direct à distance, ce n'était plus tenable pour moi. Non, non, je ne pouvais plus, je ne pouvais plus. J'ai cassé au moins 3 micros et loupé 2 mois d'émission. Vous imaginez ça? Oui, ça on sait. Ça nous a coûté cher. Bon, des habitants émus et tristes de son départ du village où il a acquis le rang de star grâce à son bistrot. Son bistrot s'appelait Chez Jean-Michel. Tous les jours, je le voyais. Donc ça veut dire que c'est des milliers de rencontres avec lui. Et pour plein d'habitants, il va laisser un vide. Et j'ai eu, moi, personnellement, plein d'appels de gens disant « Mais il n'y a pas moyen de faire quelque chose pour le sauver. » Mais non. Non, c'est terminé. Avec son départ dans ce village, Jean-Michel emporte avec lui tout le folklore qu'il y avait installé. Les soirées où il terminait dans le caniveau, les feux d'artifice improvisés qui terminaient en incendie dans le clocher. Très beau moment. Mais ce n'est pas la fermeture de son bar qui cause le plus de peine à tous ces villageois, mais c'est bien le personnage local qui va leur manquer. Chaque fois qu'on passait, on le voyait, il était fort impressionnant quand il était en été, je sais pas, il était vraiment très impressionnant, ou alors en automne, au moment où les couleurs changent, je vais dire. Mais c'était vraiment impressionnant et les gens passaient, c'est vraiment un personnage. Oh, en couleur, oui, monsieur. Très impressionnant. Encore plus visuel qu'un éthylotest. Bon, la bonne nouvelle, c'est que désormais, il ne sera plus aux commandes de son bar, mais aux commandes d'une chronique, ici. Car oui, il arrive en intervenant physique dans notre émission. Oh non, il non, est non, de retour si. Physiquement avec nous. Mais avant ça... Non, franchement, il faut accepter que c'est un être vivant qui naît, qui grandit, qui se reproduit, et puis un jour, oh qui non. meurt. Et c'est vrai qu'on aurait pu espérer qu'il puisse encore être là longtemps, mais voilà, c'est un grand vide, ça c'est clair. Ouais, ça va, il n'est pas mort non plus. Les gens du village ont eu une dernière volonté avant le départ de Jean-Michel. S'asseoir contre son tronc. Oui, mais bah, ça, il a répondu fermement. Oh non, hein, non, non, non, non, non, non, du tout, je ne fais plus ça, moi. Le juge m'a interdit tout contact physique avec qui que ce soit. Oh, je peux juste toucher Monique, mon épouse. Donc ça va, hein, aller m'isoler dans un studio de radio ne me fera pas de mal dans les prochaines semaines. Allez, santé, hein, et à très vite les amis. Voilà, ça c'était les dernières nouvelles qu'on a eues de Jean-Michel. Et la bonne nouvelle, c'est qu'après ce reportage, ce qu'on a fait, c'est on l'a contacté. Et il est avec nous ce soir. Jean-Michel. Oh Jean-Michel. Bonsoir. Bonsoir. Vous m'avez manqué, vous nous avez manqué. Mais vous aussi mes copains, vous n'avez pas changé. Mais vous êtes encore plus belle qu'avant. Toujours aussi maigre, hein. Et Jadoul, mon Jadoul, allez viens là que je te claque la bise sur le front. Allez, allez, on y va, allez. Ça va, arrêtez. Oh, t'es toujours là pour ton vieux Jean-Mi. Et ça, j'aime ça. Oh, bah oui, ça fait plaisir. Et vous êtes toujours, mais alors là, ça vous a requinqué. Franchement, ça vous fait du bien de vous voir comme ça. Alors, comment s'est passé votre mois sans alcool, là, qui vient de s'achever, là, tout juste maintenant? Oh, franchement, ça a été. Oh, le plus dur, c'était les 29 derniers jours, hein. Ah oui, d'accord. Bon, bah, l'humour, c'est toujours pas ça, quoi. Merci pour votre tour, Jean-Michel. Avec plaisir. Bisous. Qu'est-ce qu'il y a ? Une équipe bourrée de talents. De talents visuels. Wow. Mais comme ici, c'est de la radio, c'est pas pratique. Mais enfin, c'est promis, ils vont faire de leur mieux à l'oral. C'est Jadoul. Partout en podcast. Mercredi. J'ai une très bonne nouvelle pour vous, on va jouer maintenant au chrono quiz. Yes. Le pardon madame. Mais oui, mais j'appuie sur le bouton et ça marche pas. Tu veux dire que le matériel est défaillant maintenant? Oui. Bah dis donc. C'est bien parce que j'ai mis mes doigts collants aux fruits tels là-dessus. Oui, peut-être. Oh. Ça fait plaisir au matériel par contre, tu vois, à l'inverse. Tu lui rends pas service. Quoi? Un jour on va te ramener dans une, parce que toi t'as le cul dans le beurre, t'as démarré ici. Donc ça veut dire que ta radio, C'est ici. C'est ma maison ici. C'est ta maison. Oui. C'est d'ailleurs ma maison. Mais. Maintenant, ta maison, c'est un peu ma maison. Une coloc, quoi. Oui. Ouais, c'est ça, le mercredi. Ouais. Bon, dites-vous que. Un jour, je vais t'emmener dans une radio, mais genre Falminoul, tu vois, une radio, mais pétée, où il y a un cintre comme émetteur. La console, bah, c'est une Behringer qui a traîné, qui a pris l'eau et dont le potard est à moitié cassé. Tu verras ce que c'est de la radio artisanale où il n'y a rien qui marche. Parce que là, vous avez du luxe, hein. Ouais, c'est un vrai. Petit on-off, là. C'est con, hein. Mais il y a pas toutes les radios qui ont des écrans tactiles et tout pour lancer les sons et tout. Mais avant tu allumais toi-même nos micros et ça ne me posait pas de problème. Oui, parce qu'on n'était pas chez nous et ça nous faisait bien chier. Maintenant on est comme à la maison, on est peinard pépouze. Relax. Et d'ailleurs jouons au chrono quiz. Yeah. Vous devez répondre le plus vite possible. 3 réponses en 5 secondes. Par exemple, Maëva. Oui. 3 manières de dire à quelqu'un qu'il a un truc coincé entre les dents. Bah t'as un truc coincé entre les dents. Encore 2. T'as un truc coincé entre les dents. J'imagine en train de répéter. Ouais. T'as un truc coincé. Là. Mais pourquoi il faut le dire d'une manière différente que t'as un truc quoi? Bah si t'as un peu de pudeur, que t'as pas envie de le vexer, ouais. Tu dis juste tiens, tu me mangerais pas une brosse à dents? Ah. Tiens, je suis pas vraiment de pudeur. Non, ça j'ai bien compris. Moi pas comprendre. Kix. Oui. Cite-moi 3 vêtements que l'on peut porter en hiver dans un sauna. Dans un sauna, bah une robe de chambre là, un maillot et un. Bah trop tard. Mais une robe de chambre. Mais non, mais les peignoirs, je veux dire les peignoirs. En fait, mon vêtement de soie. Le hiver c'était pour te perdre au début, tu comprends? Dans le sauna, le peignoir. Oui, ça je voulais dire. Ou tout nu. T'as de la salade là, Maëva. Maëva, la finesse. Mais quoi, c'est vrai, dans les saunas, il y a des gens qui vont tout nu. T'as un fantasme? Non. T'as envie de l'exaucer ce soir peut-être? Non. Ok. Dommage, je me suis encore pris un râteau. Non, mais moi je vois toujours des opportunités et puis en fait, c'est des fausses appels de fin. On s'en fait un dernier, allez vite fait. Allez, lequel je vous prends? Parce qu'il y en a tellement là. Le quatrième en partant de la gauche. Bah, tu les as pas, toi t'es marrant, c'est rigolo. Fais le cinquième. Ok. Cite-moi 3 villes que tu ne recommanderais pas en Belgique. Charleroi, Arlon et Liège. Mais des énormes villes! Mais enfin! Maëva! Tu viens de nous mettre à dos! C'est tellement de monde! On n'est pas diffusé là-bas! Oh bah, attends 2 mois, toi. Mais c'est les clichés qu'on a de ces villes. Je ne le pense pas, je ne les connais pas assez que pour d'ailleurs, le dire. Ils vont griffer ta voiture en disant les clichés. C'est ça. Non, je rigole. Bon, bah, Maëva, maintenant qu'on s'est fâché avec tout le monde. The Music Machine. The Music Machine. The Music Machine. The Music Machine. The Music Machine. Faut arrêter ça. Non, je suis pas d'accord. C'est ma touch artistique dans l'émission. Ah, wow. Qu'est-ce que tu fais le dans l'émission? Eh bien, je fais la montgolfière qui s'éclate à la fin du jingle. Mais jamais exactement pareil. Tu oui, c'est à ça, oui. Voilà. D'ailleurs, j'ai jamais vu les voyants aller dans le rouge comme ça à ce moment-là. C'est artistique. C'est joli. Merci beaucoup, Maëva. Avec plaisir. Bon, le concept de la musique machine est très simple. Je suis maître le feu. C'est moi qui mets vos points. Ah, chouette. Pour pas être une clète, font gagner en pleine clète. Bonsoir, maître le feu. Non, je suis pas content. Oh, bah, donc, ça y est, c'est reparti pour la grande joie. Ouais. Qu'est-ce qui se passe, maître le feu? Dites-nous tout, on est là pour vous écouter, on est dans la bonne humeur pour jouer au Blenklet ce soir. Lundi, Charleroi, c'était pas beau. Mais... Et Kix lundi aussi, tantôt. Donc, ah, moi, je ne parle plus. Ah oui, ah, c'est vrai que vous venez de Charleroi, on avait complètement oublié. Mais, maître le feu, je suis désolée, c'est vraiment les clichés, c'est ce qui m'est sorti de la tête, mais je ne le pense pas. Ouais, c'était vraiment du millième degré. Exactement. Poursuivez. Ok. Bon, bah, c'est très chouette. Je savais pas qu'on pouvait le mettre en colère. Enfin, là, il est furax. Hein, là, hein. Attention. Ouais. Hein. Il reste encore des fruitelles là. Ah, mais tenez. Oui, il y en a là. Venez. On vous donne le sachet entier. S'il vous plaît, maître. Faites plaisir. Alors là, je veux bien continuer à jouer. Ah, voyez. Allez, c'est parti. On y va. On démarre la première manche de ce Blenklet. Vous pouvez jouer avec nous. Retrouvez titres, artistes, originaux. Evanescence, Bring Me to Life. Cette meuf est une machine. Non mais Kix, oui. J'ai vu ton ralenti, t'as même pas eu le temps d'allumer ton micro. Evanescence. Si. Wake me up inside. Oh, ça va. Ouais, ouais, en vrai, c'est bien. Ça va. Attention. Ouais, ça va. Quand même. Faire de la place. Merci madame. On va passer à une autre madame. Ah non, à un monsieur qu'on connaît bien. À Daddy Miles. Non, c'est l'autre, ça. L'autre, Kisses. Ouais. Kisses. Et on y va. Ça, tu connais. Blondie. Heart of Glass. Bravo! Oui, c'est ça! Voix inégalable. J'adore ce titre. En pine ride. Non. Ça, au salon de l'agriculture, c'est bien. Avec Rihanna, la vache qui danse. Tu es un petit mytho, Jadoul. Attends. Ah, fait chier, je pensais qu'elle allait faire ouh. Ah oui. Mais t'es un petit menteur, parce que l'autre fois, j'ai mis dans ma voiture et tu m'as dit, oh, quand même pas écouter ça. Non, parce que, en fait, tu conduis tellement mal que ça me stresse d'écouter de la musique en plus de... Oui. On en parlera un jour dans l'émission de ta conduite, parce que... Non, allez, on continue. Allez. Version Eon. C'est horrible. Non, mais en fait, j'ai compris. C'est ton orthophoniste, Kix. Oui. Ah, je comprends mieux. C'est lui qui t'a appris. D'accord. Logopède, non, c'était pas logopède, oui, c'est vrai, c'est ce qu'on dit, effectivement. Voilà. Kisses. Have a bad day. Bye. D'accord, c'est tout. Merci, monsieur. Toujours aussi formidable. Ah, il est en forme. On fait un petit récap des points. Je suis maître le feu. Et c'est Maëva qui a 2 points pour l'instant. Eh ben, c'est la grande joie. On y va, on se fait la troisième manche. Concentration. Si, Lady Gaga. Oui. Je sais plus, c'est. Tu l'as pas? Maëva? Non. En plus, il y a 2 titres qui existent, donc tu peux y aller, quoi. Soit tu dis les paroles, soit tu trouves le vrai titre. Bah, même les paroles, je comprends pas. Le titre, c'est le refrain. Voilà, c'est ça. Non, c'est pas ça. Non, je sais pas le titre. Allez, va. Non, je l'écoute pas trop. C'est... Ah, merde. Ils m'ont pas mis le bon. C'était pas Shallow, c'est l'autre du film que je. Always remember us this moi way. Aussi, c'était du film. Ouais. Bon, je vous le fais à cappella alors, film aussi, ouais. Du coup, pour que vous puissiez la voir. Hein, je suis Lady Gaga. Okay. Ok, Lady Gaga. Hello, you are Lady Gaga. I'm at the deep I'm a Shallow. Mais non, ça c'est Shallow aussi. Merde. Attends, donne-moi le la, Freddy. It's all I really know. But all I really know. It's all I really know. Oh, je déteste, on dirait Bendo. Tu vois, je trouve que Bendo, c'est un mec intelligent parce qu'il s'est dit à un moment, comme Kinvey, je vais arrêter de faire des chansons comme ça. Bah, Bendo ou Garou, enfin, Bendo ou Garou, ouais, c'est un peu le délire. Et là, maintenant, il sort des trucs, mais avec une voix normale, pas granuleuse comme ouais. Ça, qui donne envie de faire. Tu vois? C'est horrible. Bon, merci, Freddy. Racle-toi la gorge, t'en prie. Ah, merci, monsieur. On y va. Allez, on continue. Avant dernière manche, concentration. Kix, là, tu t'es réveillé, c'est bien. Merci. Continue sur cette lancée. This one ever to way up in our Tom Stein? Non. Marrant, ça. Merci, Pink. Non. I Kissed a Girl, Katy Perry. Bonne réponse. Kix est sous la table. Mais quel massacre. Qu'est-ce qu'il y a, Kix? Non. Mais qu'est-ce qui se passe? Dis-nous tout. T'es sûr que je l'aurais eu? Oui, je pense aussi. J'avais sa tête, j'avais plus son nom. Je l'entendais pas, c'est un vrai massacre cette reprise. Pas du tout, écoute. Ah non, franchement, je trouve que Yoann, il est du talent. Il a bailli en chantant, je pense. Attends, mais c'est vrai, je pense que t'as raison. Écoutez. Vous imaginez? Il a vraiment envie de bailler. Mais Katy Perry sur scène, elle est là. I kissed a girl. C'est incroyable. Quel professionnalisme. En parlant de bailler, je suis maître le feu. La transition était toute trouvée pour faire un récap des points avant la finale, Maître le Feu. Bon, c'est formidable, hein, Kix, il a mis un point. Mais bon, Maëva en a quand même 3. Eh bien, on s'arrête là pour cette semaine. Mais non, c'est fini, là c'est terminé. Ouais, je sais, Maëva, tu tires pas la gueule. Et franchement... Non, ça va. Ouais, ça va, oui. Je boude un peu, mais ça va. De toute façon, t'as déjà gagné, tu gagnes tout le temps. Oui, non, mais j'ai compris, je sais ce qu'elle veut. Elle veut qu'on fasse... Bravo, Maëva, t'as gagné. Pas du tout. C'est faux, c'est pas ça que j'aime bien. J'aime bien le défi. Ah, en fait, tu me plais, moi, c'est le jeu. Par contre, tu te faxes dans ta chaise. Je suis extrêmement bien installée. Mais je ne t'ai jamais. J'ai l'impression que là, je commence à voir les. Je dois déplacer un écran pour te voir, en fait. Elle s'est fondue dans le décor. Moi, je commence à voir les pieds en bout de table, là. Ouais. En bout de piste. Non, c'est fou. Ça, je suis un peu affalée sur cette chaise et en vrai. En fait, là, on est en train de faire les plans du nouveau studio. On aurait dû juste concevoir ce studio comme un canapé. On perd Maëva. On perd la voix de Maëva. Ça y est. Tout part. Je m'éteins. Non. Attends. Roue libre. Je me remets bien droite, je racle ma gorge. Est-ce que comme ça c'est mieux? Ah, c'est charmant. Franchement, ça change la voix. Hein. On est passé de. La molaire. Ça te change une femme. Hein. Là, ça c'était la molaire. On est passé de la molaire à Maëva et la canine. Quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce, fille. Mais c'est méchant. Je m'en suis pas rendu compte en plus. Non, c'est pas dans l'autre sens, donc ça va, c'est encore sympa. Je peux dire que cette émission, vous m'avez épuisé. Quelle grâce. Quelle grâce. C'est pas beau. C'est vraiment pas beau. En tout cas, ce qui est beau, c'est qu'on se retrouve en podcast d'ici là, le reste de la semaine. Merci de nous avoir choisis. On se retrouve dans pile 7 jours. Merci pour cette belle émission. Et 6 millions. Des bisous. Ciao, ciao. Bonne semaine. Portez-vous bien. Et ne dites pas à une fille qu'elle est grasse, c'est pas un chouette compliment. Jadoul revient mercredi prochain.